بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur votre radio Mirat al-Anbiya, et que Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui sont à l'origine de cette radio. Et voici notre troisième rendez-vous autour des particularités et des fondements des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Fait partie des particularités des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, c'est qu'ils se cramponnent aux dogmes authentiques, dont l'origine est la base, c'est le livre d'Allah et l'authentique de la Sunna du prophète alayhi salam, et qu'ils prêchent ce dogme et qu'ils défendent ce dogme et qu'ils le font triompher, et qu'ils répliquent aux innovateurs qui sont en divergence avec ce dogme. فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَعِ يَلْتَزِمُونَ بِالْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيَدْعُونَ إِلَيْهَا وَيُدَافِعُونَ عَنْهَا وَيُؤَلِّفُونَ الْمُؤَلَّفَاتِ فِي نُصْرَتِهَا وَالدَّبِّ عَنْهَا. قال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في كتابه مكانة أهل الحديث ومآثرهم وآثارهم الحميدة في الدين تحت عنوان جهودهم أي أهل الحديث، جهود أهل الحديث الخاصة بالعقيدة والدعوة إلى الكتاب والسنة والتثبيت عليهما والدفاع عنهما. كان الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك منهجهم واتبعهم بإحسان في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم مؤمنين إيمانا كاملا بما جاء في كتاب الله المجيد وسنة رسوله المطهرة في باب أسماء الله وصفاته المقدسة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. وكذلك في الإيمان بالقدر والجنة والنار وعذاب القبر ونعيمه وسائر المعتقدات التي حصل فيها الانحراف من بعض الفرق. Et donc, dans ce sens-là, concernant les efforts et le fait que les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna se cramponnent à l'aqida authentique dont l'origine c'est le livre et la sunna, ils la défendent et ils écrivent des livres pour en donner les éclaircissements et la défendre et combattre les innovateurs. L'érudit Cheikh Rabi' Hafidhahullah, le combattant par excellence sur le sentier d'Allah Azza wa Jal, dans son livre La place des gens du hadith, leur héritage et leur bon impact, leur louable impact dans la religion, dans le chapitre leurs efforts, c'est-à-dire les efforts des gens du hadith, leurs efforts concernant l'aqida authentique et la da'wa vers le livre et la sunna, et le fait d'aider les gens à se raffermir dessus, et le fait de la défendre, Il dit, les nobles compagnons d'Allah alayhim, et ceux qui ont pris leur chemin, et ceux qui les ont suivis à la perfection, dans leurs croyances, dans leurs adorations, dans leur comportement, dans leur façon d'agir dans la société, au niveau du commerce et à tous les niveaux, croyez d'une foi complète en tout ce qui est dans le livre d'Allah Azza wa Jal et dans la sunna pure du messager alayhi salatu wassalam en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, sans déformer leur sens et sans le changer et sans les dépouiller de leur sens et sans faire des similaires à Allah et sans donner d'exemple à Allah Azza wa Jal. Il en est de même au niveau de la foi en le destin, en le paradis, et la foi au paradis et à l'enfer, et la foi en ce qui concerne le châtiment de la tombe, les délices de la tombe, et toutes les choses qui concernent les croyances dans laquelle il y a eu la déviance des groupes égarés. يقول حفظه الله والله الخالق العليم الحكيم قد فطر الناس وعدهم وهيأهم واعطاهم عقولا تناسب الحق وتوافقه وأنزل إليهم كتبا تتضمن من العقائد والشرائع ما يوافق العقول السليمة والفطرة الصحيحة التي سلمت من الانحراف والفساد فيتلقى حواري الأنبياء ومن ورثهم بحق وأتباعهم بإحسان ما جاء به الرسل والكتب بالإيمان والتسليم وهذا كان موقف الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان. Il dit حفظه الله, Allah, le créateur, qui a la science complète et dont la science cerne tout, et qui fait les choses à la perfection, il a créé les gens, et il les a préparés, et il leur a donné des raisons qui sont conformes avec la vérité. Et il leur a descendu des livres qui contiennent des croyances et des législations qui sont conformes avec les raisons saines et avec la nature saine sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il les a créés. Cette nature saine qui a été épargnée de la déviance et du mal. Et donc, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et ceux qui les ont hérités vraiment, et leurs disciples, ceux qui les ont suivis à la perfection, ceux qui les ont irrités, les ont suivis sur ce qu'ils ont ramené les messagers et ont cru en ce qu'ils ont ramené les messagers alayhi salatu wassalam, ont cru en le livre d'une foi totale et avec soumission. Ils se sont soumis, ils ont cru en ce que les messagers ont ramené, en ce qu'ont transmis les disciples des messagers et ceux qui les suivent à la perfection, que ce soit les livres qu'ils ont transmis, qui sont venus d'Allah Azza wa Jal, et ils ont cru en tout, ils se sont soumis à tout cela. Ainsi étaient les nobles compagnons d'Allah alayhim, ainsi étaient les positions des nobles compagnons et ceux qui les ont suivis à la perfection. Yaqulu rahimahullah wa hafidahu wa matta'a bih وشافاه وعافاه وطلع عمره في طاعته ولما ذرت قرون شياطين البدع وقفوا لهم بالمرصاد فضللوهم وبدعوهم وكفروا من يستحق التكفير وقتلوا بعض رؤساء البدع والفتن والزندقة ثم ردوا في مقالاتهم ومؤلفاتهم على أهل البدع وبينوا خطرها وضررها على الإسلام والمسلمين. Et quand, il dit, Havidallah, quand les cornes du shayatin de l'innovation ont apparu, ils se sont dressés contre eux. Ils leur ont fait face. Ils les ont pris, ils les ont rendus et déclarés comme égarés et comme innovateurs. Et ceux qui méritaient l'anathème, ils l'ont rendu mécréant. ils ont tué, hein, ils ont fait subir la sentence de la mort à certaines têtes de l'innovation et de la fitna et de la zendaka, de l'hypocrisie. Hein. Ils ont répliqué à leurs opinions, à leurs écrire, à leurs écrits. Et ils ont éclairé la communauté sur le danger et le mal qui provient des innovations et des innovateurs. يقول حفظه الله وتبت المسلمين على كتاب ربهم وسنة نبيهم وبينوا لهم أن الواجب عليهم الاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومنابذة الأهواء وأهلها إيمانا منهم أن القرآن والسنة كافيان غاية الكفاية في كل ما يجب على المرء الإيمان به واعتقاده كفيلان بهداية الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة. Il dit, حفظه الله, ils ont raffermi, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont raffermi les musulmans sur le livre d'Allah et sur la sunna de son prophète alayhi salatu wasalam. Ils ont montré aux musulmans que ce qui leur est obligatoire, c'est le fait de se cramponner au livre de Allah Azza wa Jal et à la sunna de son prophète alayhi salatu wasalam. Et c'est de faire face aux gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion. Parce que ils croient au Coran et au la sunna, et ils croient que le Coran et la sunna sont suffisants et complètement suffisants, hein, pour tout ce qui concerne les croyances. Et que le Coran et la sunna, ce sont eux et seulement eux, hein, qui guident les gens et qui les mènent vers leur bonheur dans ce bas monde et dans le delà. يقول وأن الضلال والشقاء في الدنيا والآخرة في مخالفتهما فاستنادا إلى ما جاء في الكتاب والسنة من وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة والانقياد له وإيجاب رد ما تنازع الناس فيه إلى الله والرسول والوعيد الشديد لمن خالف هذا المنهج وشرع في الدين ما لم يأذن به الله. Et il montrait aux gens comme quoi que il faut se cramponner au livre et à la sunna, car c'est là où il y a le bonheur, et que l'égarement, le malheur dans ce bas monde, dans le delà, et dans le fait d'être, hein, en divergence avec le livre et la sunna, et tout ceci il le prouve avec ce qui a été transmis, avec ce qui est contenu dans le livre et dans la sunna, parmi les textes qui font qu'il est obligatoire de suivre le messager alayhi salatu wasalam, de lui obéir, de se soumettre à lui, et qu'il est obligatoire de ramener toutes les choses sur lesquelles il y a divergence entre les gens, de les ramener vers Allah, c'est-à-dire vers le livre d'Allah et vers la sunna du messager alayhi salatu wasalam. Et que l'énorme avertissement est pour qu'on, hein, ils subiront l'énorme avertissement tous ceux qui sont en divergence avec cette voie et avec la religion que Allah subhanahu wa ta'ala et tous ceux qui suivront, hein, une religion que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonnée et n'a pas légiférée. ومن تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع وذمه لها وحكمه على كل بدعة أنها ضلالة وأنها مردودة لا يقبلها الله. Et ils ont pris ça aussi du fait de l'avertissement du messager alayhi salatu wasalam, qui a averti contre toute forme d'innovation et qui a blâmé l'innovation. Et la sentence et le jugement du prophète alayhi salatu wasalam concernant les innovations, c'est l'égarement. Et qu'ils sont rejetés, qu'ils seront acceptés de personne. C'est-à-dire par Allah Azza wa Jalla, ils ne seront pas acceptés. Ils seront rejetés. قام من لحقتهم هذه الفتن من الصحابة بقمع أهلها والرد عليهم فقام علي رضي الله عنه بقتل الخوارج وروى هو وغيره من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخص على قتلهم وأنه من أفضل ما يقرب إلى الله وأحرق غلاة الشيعة بالنار حينما غلوا فيه ورفعوه إلى درجة الألوهية. Partant de là, il dit, Havdallah, les nobles compagnons qui ont vécu, qui ont vu l'apparition de ces séditions et de ces fitanes, ils se sont mis, ils ont réprimandé les gens de l'innovation, ils leur ont répliqué. Ainsi, Ali radiallahu anhu a combattu le Khawarij, a fait la guerre au Khawarij. Et il a transmis du messager alayhi sallam, et les autres compagnons, d'autres compagnons ont transmis du messager alayhi sallam, les textes concernant le Khawarij. Et les vertus, les mérites qu'il y a dans le fait de combattre le Khawarij, que c'est un acte, c'est un des grands actes avec lequel on se rapproche d'Allah. Ali radiallahu anhu a brûlé un certain nombre de Shia qui sont allés à l'extrême en le considérant comme divinité en dehors d'Allah. Et il les a brûlés avec le feu, radiallahu anhu arda. ولما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن قوما ينفون القدر وأن الأمر عندهم أنف قال لمن أخبره بهم إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء والذي نفسي بيده لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه شيئا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. Et quand Abdullah ibn Omar, que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, hein, on lui a transmis la situation de certains qui rejettent le destin, qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala croit, ne sait rien des actes des gens jusqu'à ce que les gens ils accomplissent ces actes. Et que la situation elle est comme ça. Il a dit radiyallahu anhu, quand vous rencontrez ceux-là qui parlent ainsi, annoncez-leur que je me dis à vous deux et qu'eux aussi ils se disent à vous de moi. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, c'est quelqu'un parmi eux venu à dépenser sur le sentier d'Allah l'équivalent de la montagne de Hud. Il ne sera pas accepté de lui, rien ne sera accepté de lui jusqu'à ce qu'il croie en le destin bon et mauvais. Ainsi les compagnons étaient avec les innovateurs et les innovations. وسئل مالك عمن يقول القرآن مخلوق قال هو عندي كافر فاقتلوه. Et la question a été posée à l'imam Malik rahimahullah concernant quelqu'un qui dit le Coran est une créature, il est créé. Il a dit pour moi c'est un mécréant, il faut le tuer. Mais il faut savoir ici qu'il faut le tuer. Hein, la sentence il est acquise. Il est au gouverneur, c'est pas n'importe qui va venir. Il rencontre quelqu'un qui dit le Coran, c'est une créature, il le tue. Abadan. Il n'y a pas d'anarchie en islam. وعن عبد الله بن المبارك والليث بن سعد وابن عيينة وهشيم وعلي بن عاصم وحفص بن غيات ووكيع بن الجراح مثله ومثله عن الثوري ووهب بن جرير ويزيد بن هارون قالوا يستتابون وإلا ضربت أعناقهم. Et ceci a été rapporté de ces éminences, de ces érudits parmi les montagnes de science qui ont été cités ici, comme Abdullah ibn Mubarak, Layth ibn Sa'd, ibn Uyayna, Hushaym, Ali ibn Asim, Hafs ibn Ghiyat, Waqi' ibn al-Jarrah. Il en est de même de Sufyan Thawri, Wahb ibn Jarir, Wayazid ibn Harun. Ils ont dit tous, on lui demande de se repentir, sinon, il faut lui couper la tête. Et là, encore une fois, qui va lui demander de se repentir? C'est le juge. C'est le gouverneur. Ou le représentant du gouverneur qui va lui faire. Hein? Les juges, ils vont lui demander de se repentir. S'il se repent, khlas. S'il se repent pas, alors là, ils vont lui faire subir la sentence de la mort. Et ils vont lui couper sa tête. وقال الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي لما كلم حفص الفرد الشافعي فقال حفص القرآن مخلوق فقال له الشافعي رضي الله عنه كفرت بالله العظيم. الربيع بن سلمان المرادي le compagnon du Shafi'i a dit quand Shafi'i رحمه الله a parlé avec Hafs al-Fard Shafi'i, Hafs lui a dit le Coran est créé. Shafi'i lui a dit tu as mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, donc ils n'hésitent pas. Ridwanullahi alayhim. وسئل مالك عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا صاحب بدعة وأمر به فأخرج وكان يقول إن الله في السماء وأخرج رجلا من حلقته لأنه مرجع. Et Cheikh Rabi' de rapporter aussi qu'on a posé un jour la question à l'imam Malik concernant l'élévation d'Allah Azza wa Jal au-dessus du trône. Malik a dit l'istiwa c'est quelque chose de connu, c'est-à-dire sa signification en langue arabe, il est connu. Mais le comment est ignoré et le fait de poser une question sur le comment de l'élévation d'Allah Azza wa Jal, c'est une innovation. Et il a dit à celui qui a posé la question, je vois que tu es un innovateur, et il a donné l'ordre. Et ils l'ont sorti du cercle d'enseignement de l'imam Malik. L'imam Malik disait, Allah, disait toujours, Allah est au-dessus des cieux. Et il a fait sortir, imam Malik a fait sortir de son assise un homme parce que c'était un morgé. وقال سعيد بن عامر الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش وقالوا هم ليس على العرش شيء ذكره البخاري في خلق أفعال العباد. إيه Cheikh Rabi' a rapporté que Saïd ibn Amir, comme il est rapporté dans Khalq Af'al Ibad de Bukhari, Saïd ibn Amir a dit que les Jahmites, les Jahmiyyah, sont pires au niveau de leurs paroles, au niveau de croyances, que les Juifs et les Chrétiens. Les Juifs et les Chrétiens sont unanimes, et tous les gens des autres religions sont unanimes sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, Azza wa Jal. Et les Jahmites ont dit, il n'est pas sur le trône. Il n'y a rien sur le trône. وقال ابن المبارك رحمه الله لا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض هاهنا بل على العرش استوى وقيل له كيف نعرف ربنا قال فوق سماواته على عرشه وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية خلق أفعال العباد. Il rapporte, les Cheikh Rabi' de rapporter aussi les paroles de Abdullah ibn Mubarak. Il dit, rahmatullah alayhi, Abdullah ibn Mubarak, de dire, on ne dit pas comme on dit les Jahmi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est ici sur terre. Mais on dit, Allah est au-dessus du trône. Et on lui a demandé, on a posé la question à Abdullah ibn Mubarak, comment on connaît notre souverain? Il a dit, il est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, Azza wa Jal. Et il dit, rahmatullah alayh, on cite les paroles des juifs et des chrétiens, mais on ne peut pas citer les paroles des jahmites, tellement ils sont horribles concernant Allah, Azza wa Jal et les attributs d'Allah. Hein, c'est pour ça qu'il dit, on ne les cite pas. Wa qala al-Bukhari, fi kalami, nadartu fi kalami al-Yahudi wa al-Nasara wa al-Majus. فما رأيت أضل من كفرهم فما رأيت أضل في كفرهم منهم وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. البخاري رحمه الله dans son livre خلق أفعال العباد il a dit j'ai regardé les paroles des juifs et des chrétiens et des zoroastriens et je n'ai pas vu plus la mécréance la plus grande que celle des jahmites. Et je prends comme ignorant, et je rends comme ignorant tout un chacun qui ne prend pas, les jahmites comme des mécréants. Sauf celui qui ne connaît pas leur mécréance. ونقل الإمام البخاري أقوال كثير من الأئمة في تضليل وتكفير الجهمية في إنكارهم أن الله في السماء وفي قولهم إن القرآن مخلوق راجع خلق أفعال العباد له. Et l'imam Bukhari, rahimahullah, a rapporté beaucoup de paroles de grands imams, dans lesquelles ils rendent égarés, ils rendent mécréants les jahmites, parce que les jahmites rejettent, ils ne reconnaissent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Et aussi parce qu'ils disent que le Coran c'est une créature. Et si tu veux voir tout ça, reviens au livre de Bukhari, la création des actes des serviteurs, qui est un livre al-Bukhari, خلق افعال العباد. وخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. البيهقي رحمه الله rapporté avec une chaîne de transmission qui est bonne, il le rapporte de l'Auza'i qui disait nous étions nous et tabi'un, c'est-à-dire les successeurs des nobles compagnons d'Allah alayhim, nous étions, c'est-à-dire les disciples des tabi'in, nous étions avec un certain nombre de tabi'in, et on disait tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. Et on croyait en tout ce qui est rapporté dans la sunna concernant les attributs d'Allah azza wa jal. On y croyait. وأسند اللكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير فمن فسر شيئا منها وقال بقول جهل فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفارق الجماعة لأنه وصف الرب بصفة لا شيء. اللكائي رحمه الله avec la chaîne de transmission qui remonte à محمد بن الحسن الشيباني qui a dit que le fuqa était unanime tous, le fuqa de l'Est et de l'Ouest, étaient tous unanimes sur le fait de croire en le Coran, en les hadiths qui ont été transmis par les dignes du messager alayhi salam en ce qui concerne les attributs d'Allah, de croire en ces textes et en ces attributs rapporté dans les textes authentiques, sans chercher de similaires, à faire des similaires à Allah Azza wa Jal, sans interpréter et de chercher à interpréter le comment de ces attributs. Et celui qui interprète pour donner une signification à l'attribut, ben celui-là, il a pris la position et les paroles du Jahl. Et celui-là, qui aura agi ainsi, ben, il est sorti de la voie sur laquelle était le prophète alayhi salam et ses compagnons. Et il s'est marginalisé par rapport au groupe. Parce que, al-jahm, il n'a pas attribué d'attribut à Allah azza wa jal. Il le décrit comme néant. L'iyadan billah. وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر وأما قبل الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. ابن أبي حاتم rapporté les qualités de l'imam Shafi'i, le remontant à Yunus ibn Abd al-A'la, qui a dit que j'ai entendu l'imam Shafi'i dire Allah Azza wa Jal a des noms et des attributs, personne ne peut les rejeter. Et celui qui est en divergence avec ça, après que la preuve soit accomplie contre lui, celui-là il a mécru. Celui qui rejette les noms et les attributs, après connaissance et après que les preuves soient accomplies, hein, le concernant, ben, il a mécru. Avant l'accomplissement des preuves, il est excusé par l'ignorance. Car la science dans ce domaine ne s'obtient pas avec la raison, ni avec la vision, ni avec les pensées. Et on confirme ses attributs à Allah et on lui fait la négation de tout similaire ou de tout exemple, comme il l'a fait lui-même Azza wa Jal, dont le verset ou la traduction approximative nous dit ceci: rien ne lui ressemble, rien n'est comme lui. وروى الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن صورة الترمذي المتوفى سنة 279 للهجرة في جامعه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد. والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن صورة At-Tirmidhi, qui est mort en l'an 279, rapporte dans son livre le hadith d'Abu Huraira, où il est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'aumône de quelqu'un parmi vous, il la prend par sa droite, il l'augmente, il la multiplie. Comme quelqu'un s'occupe de son poulain, hein, à le faire, il s'occupe à faire grandir son poulain. À tel point que la petite bouchée, hein, qui est donnée en aumône, devient comme Uhud, comme la montagne d'Uhud. وقال عقبة هذا حديث حسن. Et ça, c'est un hadith qui est حسن صحيح. Il est bon, authentique. وروى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ثم قال وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا قالوا قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. Et Tirmidhi a rapporté aussi de Aisha qui rapporte du prophète alayhi salatu wassalam un hadith similaire à celui, hein, qui vient d'être cité. Et Tirmidhi de dire, ceci a été dit par plus d'un parmi les hommes du hadith, parmi les hommes de science du hadith. Hein? Et plus d'un parmi les hommes de la science concernant ce hadith, et les hadiths qui sont similaires à ce hadith dans lequel il y a les attributs d'Allah comme la descente et autres, la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, toutes les nuits vers le ciel de ce bas monde. Ils ont dit, les hommes de science ont dit, on confirme ces versions telles qu'elles sont et on y croit et on ne se fait pas d'illusions dessus et on ne dit pas comment. يقول حفظه الله الشيخ ربيع هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. إلى دي حفظه الله الشيخ ربيع أنسي سانسي كسايتي ترانسمي دو مالك دو سفيان بن عيينة دو عبد الله بن مبارك. Ils ont, c'est ce qu'ils ont dit tous concernant ces hadiths. Hein? Parce qu'il est tel qu'ils sont, sans chercher le comment. Et ça, c'est la parole des gens de la science, des hommes de science, et des gens de la sunna, et ceux qui sont unanimes sur la sunna. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وأما الجهمية وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد هاهنا القوة. Il dit حفظه الله كنت جهميت ils ont rejeté toutes ces hadiths dans lesquels il y a les attributs d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a des similitudes, hein, ça fait des similitudes entre Allah et ses créatures. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans son livre, dans le Coran, la main, hein, qu'il est doté de main, de oui, de vue. Mais les jahmites ont faussé l'interprétation et dévié le sens de la main. Deux, ils ont pris une autre interprétation que n'ont pas donné les hommes de science. Et ils ont dit, les jahmites ont dit, Allah il n'a pas créé Adam avec sa main. Ils ont dit que la main veut dire tout simplement la force. وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يدا كيد أو سمع كسمع أو مثل أو مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. إسحاق بن إبراهيم أدي la similitude va venir quand il va dire une main comme telle main ou une nuit comme telle nuit et ainsi de suite. Là, il va tomber dans la similitude, dans le fait de faire des ressemblances à Allah Azza wa Jal. S'il dit, sa main, il est comme la main de tel, ou comme il est comme ça ou autre. وَمَا إِذَا قَالَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَدٌ وَسَمْعٌ وَبَصَرٌ وَلَا يَقُولُ كَيْفٌ وَلَا يَقُولُ مِثْلُ سَمْعٌ وَلَا كَسَمْعٌ فهذا لا يكون تشبيها هو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Mais si la personne dit, comme il a dit Allah عز وجل dans le Coran, la main, lui, la vue, il ne dit pas comment, le comment de la main, ni le comment de lui, ni il ne dit pas lui comme exemple, lui de ça ou ça, ben ceci, il n'y a pas de similitude dedans. Fait de s'arrêter et d'utiliser les termes comme les a utilisés Allah Azza wa Jal, comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative, dit ceci, rien ne lui ressemble, et il est celui qui entend et celui qui voit. Yaqul, أما المؤلفات في نصرة العقيدة والرد على البدع فهي كثيرة لا تحصى نذكر منها ما يأتي. Il dit concernant les livres qui ont été écrits pour faire triompher le dogme authentique, pour répliquer aux gens de l'innovation, ils sont nombreux. On ne peut pas les compter. Il dit, on cite parmi ces livres, ألف الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والحديث المتوفى سنة 242 كتاب الرد على الجهمية والزنادقة وألف كتاب السنة وألف ابن عبد الله كتاب السنة. Il dit l'imam Malik a écrit, l'imam des gens de la Sunna et les gens du Hadith a écrit, cet imam qui est mort en 241 a écrit son livre La réplique الزنادقه والجهميه. Zanadiqa, dont l'interprétation, c'est les hommes de science, c'est les hypocrites. Réplique à Zanadiqa et au Jahmite. Et en même temps, l'imam Ahmad a écrit son livre Sunna, son fils aussi a écrit son livre Sunna, dans lequel il y a quoi? La confirmation des attributs d'Allah, Azzawajal, du destin, etc. Et en même temps, c'est une réplique à ceux qui ont dévié à ce niveau-là. Wa allafa Abu Bakr ibn Abi Shayb al-Mutawaffa fi sanat 235 للهجرة كتاب الإيمان وألف الإيمان إي أبو بكر بن أبي شيبة كي مور 235 للهجرة a écrit son livre الإيمان. Et qu'est-ce qu'il y a dans le livre de l'Iman? La réplique à toutes ces tendances, notamment à Murji'a et autres. وألف الإمام البخاري المتوفى سنة 256 كتاب خلق أفعال العباد دمنه الرد على الجهمية والمعطلة لصفات الله والقائلين بخلق القرآن. الإمام البخاري رحمه الله qui est mort en 256 de l'Hijri, il a écrit son livre خلق أفعال العباد, la création des actes des serviteurs, dans lequel est contenu la réplique au Jahmite Il y a tous ceux qui ont dépouillé l'essence des attributs d'Allah. Il a répliqué aussi à ceux qui ont dit que le Coran c'est une créature. وضمن كتابه الجامع الصحيح ثلاث كتب في هذا المجال كتاب الإيمان وضمنه الرد على المرجئة وكتاب التوحيد وضمنه الرد على معطلة الجهمية وكتاب الاعتصام وضمنه وجوب اتباع الكتاب والسنة وضمنه الرد على أهل الرأي المفرطين في القياس والرد على منكر حجية خبر الآحاد إيه رحمة الله عليه الإمام البخاري a mis dans son livre, l'authentique, Jami' Sahih, trois livres concernant ce domaine, le domaine aux répliques à ceux qui ont divi. Le livre de la foi, qui contient la réplique al-Murji'a. Le livre du Tawhid, qui contient la réplique à ceux qui ont dépouillé les sens, qui sont le Jahmiya et autres, qui ont dépouillé les sens des attributs d'Allah. Et dans son livre, l'Atisam, dans lequel il a mis l'obligation de suivre le livre de la Sunna, et dans lequel il y a eu la réplique à ceux qui suivent leur opinion, et ceux qui ont exagéré, et il a répliqué aussi dans ce chapitre, dans ce livre, à ceux qui ont exagéré concernant l'analogie. Et il a répliqué aussi à ceux qui ont rejeté la preuve du hadith Ahad. Et on a vu l'autre fois que le hadith al-Ahad, c'est celui dont les transmetteurs de la chaîne, les transmetteurs dans chaque chaîne n'arrivent pas au nombre de 10. وَأَلَّفَ أَبُو دَاوُودَ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 275 لِلْهِجْرَةِ كِتَابَهُ السُّنَنَ وَأَدْخَلَ فِيهِ كِتَابِ السُّنَّةِ وَأَدْخَلَ فِيهِ كِتَابِ السُّنَّةِ وَضَمَّنَهُ الرَّدَّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ الْمُعَطِّلَةِ وهو يضع تراجم واضحة بأسماء هذه الفرق كقوله باب الرد على الجهمية في موضعين من كتاب السنة. في الموضع الأول رد عليهم إنكار استواء الله على العرش, وفي الموضع الثاني رد عليهم إنكار النزول. أبو داود a écrit aussi son livre, son recueil Sunan. Abu Daoud, qui est mort en 275 de l'Hégire, il a mis dans son livre Sunna, dans le chapitre concerné à la Sunna, et il y a mis la réplique aux Qadaristes, il a réplique aux Murji'a, il a réplique aux Jahmites, il a réplique à tous ceux qui dépouillent les sens, et il a mis des titres clairs au nom de ces groupes, comme chapitre réplique aux Jahmites. Il l'a mis dans deux passages dans son livre Sunna. Le premier passage dans lequel il leur réplique au fait de rejeter l'élévation d'Allah Azza wa Jal au-dessus de son trône. Et dans le deuxième passage, là où il leur réplique au fait qu'ils rejettent la descente d'Allah Azza wa Jal le dernier tiers de la nuit. وضع الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة المتوفى سنة 273 للهجرة مقدمة لكتاب السنن في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استغرقت 98 صحيفة وضمنها 66 حديثا ومئتي حديث وضمنها أبوابا كثيرة من جملتها باب فيما أنكرت الجهمية من الجهمية ذكر فيه إنكارهم الرؤية والكلام والاستواء على العرش وساق أحاديث في الرد عليهم وذكر الخوارج وغيرهم من المبتدعة وعقد بابا في اجتناب الرأي. الإمام أسي الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة كي مورنو 273 dans son introduction à son recueil Sunan, il a réservé une introduction au fait de suivre la sunna du messager alayhi salatu wasalam. Cette introduction concerne 98 pages, une centaine presque de pages, dans lesquelles il a mis 266 hadiths et répartis en plusieurs chapitres. Et parmi les chapitres, les choses qui ont été qu'a rejeté les Jahmites. Et il a cité dans ce chapitre le rejet des Jahmites de la vue d'Allah Azza wa Jal. Ils rejetaient, ne reconnaissaient pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle la parole d'Allah. Ils rejetaient l'élévation d'Allah Azza wa Jal au-dessus de son trône. Et il a cité les hadiths pour le répliquer. Et il a cité aussi le Khawarij et autres parmi les innovateurs. Et il a réservé un chapitre s'éloigner de l'opinion, c'est-à-dire l'opinion qui est dépouillée de preuves. Et ce livre, cette Muqaddima, tellement il est importante que Cheikh Obeid, Hafidhahullah, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la santé, l'a interprété dans un recueil. Recueil réserve tout simplement l'interprétation de la Muqaddima, de l'introduction du Sunan d'Ibn Majah, rahimahullah. وألف عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة 180 كتاب الرد على الجهمية وكتاب الرد على بشر المريسي. اي عثمان بن سعيد الدارمي كي مور ان 280 ا écrit son livre réplique aux jahmites et son livre réplique à بشر المريسي. وصنف ابو بكر احمد بن علي بن سعيد المروزي المتوفى سنة 192 كتاب السنة. وصنف أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري المتوفى سنة 360 للهجرة كتاب الشريعة وكتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله وما عده لأوليائه. إي أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي كي مور 292 de l'Égypte, a écrit son livre Sunna, comme aussi Abu Bakr Muhammad ibn al-Hussein ibn Abdillah al-Ajurri, qui est mort en 360 de l'Égypte, a écrit son livre Sharia, sur lequel il y a une interprétation sur 4 volumes de Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala, concernant Sharia. هذا الاجري رحمه حفظه الله الا انترpreté الى انترpreté presque tout le livre حفظه الله. Et aussi l'ajri a écrit prendre comme véridique la vision du visage d'Allah azza wa jalla, ce qu'il a promis à ses alliés. Il faut prendre comme véridique tout ça, tout ceci pour répliquer ceux qui rejettent les attributs d'Allah. وألف الإمام أحمد بن محمد بن هاني أبو بكر الأكرم المتوفى سنة 273 كتاب السنة. وألف الإمام أبو علي حنبل بن إسحاق الشيباني ابن عم الإمام أحمد بن حنبل وتلميذه المتوفى سنة 273 كتاب السنة. وألف الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال مؤلف علم أحمد وجامعه المتوفى سنة 311 للهجرة كتاب السنة وهو في 3 مجلدات. وألف الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيال الأصبهاني ذو التصانيف المتوفى سنة 369 للهجرة كتاب السنة. وألف أبو بكر أحمد بن عمر بن أبي عاصم النبيل الشيباني المتوفى سنة 287 كتاب السنة. وصنف أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ المعروف بابن شاهين الحافظ الكبير ذو التصانيف العجيبة المتوفى سنة 385 للهجرة كتاب السنة. إذن كنت عبد الله إيه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشافعي الطبراني l'homme qui a écrit, cet homme qui a écrit beaucoup de livres et qui est mort en 360 de l'Hijra, son livre, il a écrit aussi son livre Sunna. L'imam est aussi l'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hani Abu Bakr al-Athram, qui est mort en 273, il a écrit aussi son livre Sunna. Et الإمام أبو علي حنبل بن إسحاق الشيباني le cousin de l'imam Ahmed ibn Hanbal et son élève qui est mort en 273 a écrit son livre Sunna. Et l'imam Abu Bakr Ahmed ibn Muhammad ibn Harun al-Khalal, celui qui est à l'origine, qui a écrit la science de l'imam Ahmed, qui a réuni la science de l'imam Ahmed, hein, dans des recueils, qui est mort en 311 de l'Égypte, il a écrit son livre Sunna qui est en 3 tomes. Et l'imam Abu Sheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Ja'far ibn Hayyan al-Asbahani, qui a écrit beaucoup de livres et qui est mort en 369 de l'Hijr, a écrit son livre Sunna. Et Abu Bakr Ahmed ibn Omar ibn Isa ibn Abi A, Abu Bakr Ahmed ibn Amr ibn Abi Asim al-Nabi al-Shaybani al-Mutawaffa sanat 287 l'Hijra a écrit son livre Sunna. Et Abu Hafs Omar ibn Ahmed ibn Uthman al-Baghdadi, l'exhortateur connu sous le nom de Ibn Shahin, le grand mémorisateur qui a des écrits étonnants, qui est mort en 385, a écrit aussi son livre Sunna. Tous ces livres, c'est des livres pour faire triompher l'aqida authentique et pour répliquer aux innovateurs et à tous ceux qui ont dévié de la voie du messager alayhi salatu wassalam. وصنف الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة 324 للهجرة كتاب الإبانة وكتاب الموجز على طريقته للحديث في إثبات الصفات وضمنه الرد عن الجهمية وغيرهم من فرق التعطيل. وألف الإمام الحافظ خشيش بن أصرم المتوفى سنة 253 للهجرة كتاب الاستقامة والرد على أهل البدع. وألف إمام آل أئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 311 للهجرة كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. وألف إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة عقيدة على منهج أهل الحديث وجرى في تفسيره الكبير الشهير على المنهج نفسه. وصنف أبو عبد الله محمد بن يحيى بن منده الحافظ الرحال المتوفى سنة 301 للهجرة كتاب السنة. Et donc l'imam Abu al-Hassan Ali ibn Ismail al-Ash'ari, qui est mort en 324, a écrit son livre l'Ibana, comme il a écrit le concis selon la voie des gens du hadith dans le fait de confirmer les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et dans ce livre, il a répliqué au Jahmite, il y a tous ceux qui dépouillent le sens des attributs d'Allah. Et l'Hafid Khushaysh ibn Asram, qui est mort en 253 de l'Hijra, a écrit son livre l'Istiqama, il la réplique aux innovateurs. Et l'imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah, qui est mort en 311, a écrit son livre Le monothéisme et la confirmation des attributs d'Allah. Et l'imam, le grand imam des exégètes par excellence et des interprétateurs du Coran, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Tabari, donc presque toutes les interprétations dépendent de son interprétation du Coran. Cet homme qui est mort en 310 de l'Hijr a écrit une aqida selon la voie des gens du hadith et son tafsir du Coran, il a été dessus, il l'a fait selon la voie des gens du hadith. Et Abu Abdillah Muhammad ibn Yahya ibn Mandeh, le mémorisateur transhumant qui a fait beaucoup de voyages, qui est mort en 301 de l'Hijra, a écrit son livre Sunna, c'est-à-dire beaucoup de voyages à la recherche de la science et à la rencontre des hommes de science. وصنف الإمام أبو بكر أحمد بن إسحاق الشافعي النيسابوري المتوفى سنة 342 للهجرة المعروف بالصبغي كتاب الأسماء والصفات وكتاب الإيمان بالقدر. وألف أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم العسال الأصبهاني المتوفى سنة 349 للهجرة كتاب السنة. وألف أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي متوفى سنة 377 كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. وألف الإمام الحافظ الكبير أمير المؤمنين في الحديث أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 385 كتاب الصفات وكتاب النزول وكتاب الرؤيا. Et donc, et aussi l'imam Abu Bakr Ahmed ibn Ishaq Shafi'i Naysaburi, qui est mort en 342 de l'Hégire, qui est connu sous le nom de Sabri, a écrit son livre « Les noms et les attributs ». Et son livre « La foi ou le destin ». Et Abu Ahmed Muhammad ibn Ibrahim al-Assal, l'Asbahani, qui est mort en 349, a écrit son livre « Sunna ». Et Abu al-Hussein, Muhammad ibn Ahmed ibn Abd al-Rahman al-Malti, Shafi'i, qui est mort en 377, a écrit son livre, hein, La réplique aux gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion. Et le grand mémorisateur, l'imam et le prince des croyants dans le hadith, Abu al-Hassan, Ali ibn Omar, al-Daraqutni, qui est mort en 385 de l'Hégire, a écrit son livre « Les attributs d'Allah » et son livre « La descente » et son livre « La vision », c'est-à-dire la vision d'Allah. Tout ça, tout ce qu'on vient d'entendre comme titre, c'est pour répliquer aux innovateurs et pour confirmer l'aqida authentique concernant Allah Azza wa Jal et l'aqida authentique sur laquelle doivent être les croyants et qui était celle de Muhammad alayhi salatu salam et de ses nobles compagnons. « Wa allafa al-imam al-hafidh » عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري المتوفى سنة 387 كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المدمومة والإبانة الصغرى والسنة. إيه الإمام ممغزته عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري كي مور 387 a écrit son livre Ibn à l'éclaircissement sur la législation du groupe sauvé. Et s'éloigner des groupes blâmés, il a écrit Ibn al-Sughra et Sunna. Ibn al-Sughra a été interprété dans un peu plus de 50 assises par Cheikh Mohammed ibn Hadi, Hafidhahullah. Celui qui peut les écouter, il y a des grandes leçons à retenir. Et des grands éclaircissements et des grandes interprétations qu'on a fait, cet imam qui est Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali. وألف الإمام الحافظ الجوال صاحب التنصاني في الكثيرة محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندل المتوفى سنة 395 كتاب التوحيد وكتاب الإيمان. وألف الإمام الزاهد شيخ الإسلام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدس الشافعي متوفى سنة 490 كتاب الحجة في مجلد. وألف الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور طبري الرازي اللالكائي محدث بغداد متوفى سنة 418 كتاب شرح أصول السنة. وألف الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني المتوفى سنة 438 للهجرة رسالة في إثبات الاستواء والفوقية. وألف الإمام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي المتوفى سنة 481 كتاب الفاروق في صفات الله وكتاب ذم الكلام. إذنك الإمام ممغزاتور كي a été dans beaucoup de pays, qui a écrit beaucoup de livres, Muhammad ibn Ishaq ibn Yahya ibn Mandah, qui est mort en 395, il a écrit son livre Le Monothéisme, le Tawhid, et son livre l'Iman. Son livre l'Iman, il a été interprété en audio par Cheikh Ali Faqih al-Nasir au Haram de Midin. Et l'Imam Zahid, l'Assad, Cheikh l'Islam, Abu al-Fath, Nasr ibn Ibrahim, Maqdisi al-Shafi'i, qui est mort en 490, a écrit son livre, l'Hujja, la preuve, on entend. Et l'imam Abu al-Qasim, Hibatullah, ibn al-Hassan, Mansour Tabari, Razi, l'Alakai, le Muhaddid de Baghdad, qui est mort en 418, il a écrit le grand livre réputé que tout le monde connaît, Sharh Usul Sunna. Et l'imam Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf al-Juwayni, mort en 438, a écrit sa risala, La confirmation de l'élévation d'Allah, Azza wa Jal. et que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, Azza wa Jal. Et l'imam Abu Ismail Abdullah ibn Muhammad al-Ansari al-Harawi, qui est mort en 481, il a écrit son livre « Le discernement des attributs d'Allah » et son livre « Dhamm al-Kalam » dans lequel il blâme la spéculation dans la parole, la philosophie, la logique et tout ça. « وافتتح الإمام محيد السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي المتوفى سنة 516 كتابه شرح السنة بكتاب الإيمان من الصفحة السابعة إلى الصفحة 231 ضمنه الأبواب الآتية: باب الإيمان بالقدر، باب وعيد القدرية، باب الرد على الجهمية، باب الرد على من قال بخلق القرآن، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب رد البدع والأهواء، باب مجانبة أهل الأهواء، ونهج في كتابه التفسير نهج أهل الحديث والسنة في إثبات الصفات ومخالفة أهل الأهواء في ذلك. إيه الإمام محيي السنة الغوفيفيكاتور دو لا سنة أبو محمد Al-Hussein ibn Mas'ud al-Baghawi al-Shafi'i, qui est mort en 516, dans son recueil qui est sur plusieurs tomes, Sharh al-Sunnah, il y a un livre qui s'appelle le livre de la foi, dans lequel il y a ces chapitres et ces passages. La foi en le destin, là un chapitre, les avertissements contre les qadaris, chapitre réplique aux jahmites, chapitre réplique à ceux qui ont dit que le Coran est créé, chapitre se cramponner au livre et à la sunna, chapitre réplique aux gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion, chapitre le fait de s'éloigner des gens de l'innovation. Et dans son interprétation du Coran, al-Baghawi rahimahullah, après la voix des gens du hadith et de la sunna, dans la confirmation des attributs d'Allah azza wa jalla. وألف العلامة أبو الحسن محمد بن عبد الله محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي صاحب شيخ الإسلام الهروي المتوفى سنة 532 عقيدة على منهج السلف. Le grand savant أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي qui était le compagnon et l'ami de Cheikh l'Islam al-Harawi, qui est mort en 532 de l'Hégire, a écrit son livre, une aqidah sur la voie des salafs, selon la voie des salafs. L'imam, ou allaf al-imam, ou Abu al-Qasim Ismail ibn Muhammad, ibn al-Fadl, al-Taymi, al-Talhi, al-Asbahani, al-Mutawaffa Sanat, 535 للهجرة كتاب الحجة في بيان المحجة على منهج أهل الحديث. الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الطلحي الأصبهاني qui est mort en 535, il a écrit son livre La preuve dans l'éclaircissement de la voie et selon la voie, dans l'éclaircissement de la voie selon la voie des gens du hadith. وألف الإمام الحافظ محدث الإسلام عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي الحنبلي صاحب التصانيف المتوفى سنة 600 كتابا في الصفات في جزئين. الإمام موريزاتور المحدث دو الإسلام عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي الحنبلي l'homme qui a écrit beaucoup de livres, qui est mort en l'an 600 de l'Hégire. Il a écrit un livre sur les attributs d'Allah Azza wa Jal qui ont deux tomes. وألف الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 728 هجرية عددا من الكتب في العقيدة والدعوة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة ومحاربة البدع كالعقيدة الواسطية والعقيدة الحموية والعقيدة التذمرية واقتضاء الصراط المستقيم ومنهاج السنة والرد على البكري والرد على الأخنائي والفتاوى، وكلها تهدف إلى العودة بالأمة الإسلامية إلى الكتاب والسنة ولا منهج السلف الصالح. إيه الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الله سبحانه وتعالى ليكوفر توش دو سانت ميزي أنكور كي مور ان 728 دو ليجير a écrit un certain nombre de livres concernant l'aqida et un certain nombre de livres qui appellent au fait de revenir au livre et à la sunna et, un certain, hein, et qui sont dans la réplique et le combat des gens de l'innovation comme son livre l'aqida al-wasitiya que tout le monde connaît, l'aqida al-hamawiya, l'aqida al-tadmouriya, iqtida' al-sirat al-mustaqim, minhaj al-sunna, la réplique al-bakri, la réplique al-akhna'i, son recueil de fatawa, tous ces recueils et d'autres qui n'ont pas été cités, leur but, c'est de ramener la communauté musulmane au livre et à la sunna, selon la voie des pieux prédécesseurs, radouanullah alayhim. وألف تلميذه الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله المتوفى سنة 751 كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية والقصيدة النونية في مجال العقيدة وإعلام الموقعين في باب الاعتصام بالسنة. Et son livre, l'imam Shamsuddin Abu Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr al-Ma'ruf, qui est connu sous le nom de Ibn Qayyim al-Jawziya, qui est mort en 751 de l'Hégire, hein? Il a écrit son livre, Sawa'iq al-Mursala, c'est-à-dire les flèches de feu envoyées sur les jahmites et sur les dépouilleurs de sens des attributs d'Allah. Et son livre aussi, La réunion des armées musulmanes pour le combat des dépouilleurs des sens des attributs des jahmites, et aussi sa qasida, sa poésie Nounia. Tous ces livres-là concernent l'aqida concernent l'aqida et la réplique aux faussaires et aux déviants. Il a écrit son livre I'lam al-Muwaqqi'in, qui est un livre qui appelle vers le fait de se cramponner à la sunna. وألف الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 للهجرة كتاب العلو للعلي الغفار، جمع فيه نصوص الكتاب والسنة في علو الله وما بلغه من أقوال الصحابة والتابعين وأئمة الحديث وأئمة الفقه وأتباعهم إلى عصره. الإمام ممغزاتور شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي qui est mort en 748, a écrit son livre « L'ulou lil'ali al-ghaffar »« L'élévation au-dessus de tout Allah subhanahu wa ta'ala « L'ulou lil'ali al-ghaffar » dans lequel il a réuni les textes du livre et de la sunna concernant l'élévation d'Allah azza wa jalla au-dessus de tout. Et il y a contenu aussi tout ce que il a pu réunir comme parole de compagnon du successeur des compagnons et comme parole du grand imam du hadith et de la science et leurs disciples jusqu'à son époque. وألف العلامة القاضي صدر الدين علي بن أبي العز الحنفي الصالح الدمشقي المتوفى سنة 792 للهجرة رسالة سماها الاتباع، موضوعها وجوب اتباع السنة كما شرح العقيدة الطحاوية على منهجه أهل الحديث في الصفات والقرآن والقدر وغيرها من العقائد الإسلامية. Et le grand homme de science, le juge Sadruddin Ali ibn Abi al-Izz al-Hanafi al-Salih al-Dimashqi, qui est mort en 792, a écrit une risala sur le suivi. Le sujet de cette rassala, c'est le suivi du messager, alayhi salatu wassalam. Comme il a interprété aussi, il a expliqué l'aqidat tahawiya, selon la voie des gens du hadith, en ce qui concerne les attributs, en ce qui concerne le Coran, en ce qui concerne le destin, et autres parmi les croyances musulmanes. ثم نشطت الدعوات إلى الكتاب والسنة وتصحيح العقائد ومحاربة البدع في العالم الإسلامي. Et puis, il y a une grande activité dans la da'wa vers le livre et vers la sunna et vers le fait d'authentifier les croyances et vers le fait de combattre les innovations à travers le monde musulman. كدعوة الصنعان المتوفى سنة 1182 للهجرة والشوكان المتوفى سنة 1250 للهجرة في اليمن ودعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 للهجرة في الجزيرة العربية ودعوة أهل الحديث في الهند امتدادا لدعوة أهل الحديث ومنهجهم وهي لا تزال قائمة إلى قيام الساعة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. Et donc il y a eu grande activité au niveau de la da'wa vers le livre et la sunna, vers le fait pour authentifier les croyances des gens et pour combattre les innovations et tout ceci à travers le monde musulman. Comme il y a eu la da'wa de l'imam Sun'ani qui est mort en l'an 1182 de l'Hégire, de Shawkani rahimahullah qui est mort en l'an 1250 de l'Hégire, et ces deux imams au Yémen. Et la da'wa du revendicateur, l'imam Mohammed ibn Wahhab, en péninsule arabique, qui est mort en 1206 de l'Hégire. Et la da'wa des gens du hadith en Inde, qui est une continuité de la da'wa des gens du hadith et de leur voix. Et la da'wa des gens du hadith est toujours accompli et il restera, cette da'wa persistera et restera jusqu'à la fin des temps. Comme il l'a annoncé, le véridique qui n'a dit que la vérité, quand il a dit restera une fraction de ma communauté sur la vérité, triomphant avec la vérité, mettant en avant la vérité, peu importe ceux de l'intérieur qui veulent les faire faiblir ou ceux qui sont en divergence avec eux jusqu'à la fin des temps. Et donc tout ce que nous avons entendu comme livre, Ikhwat al-Islam, ce sont des efforts des hommes de la sunna pour défendre la sunna, défendre la religion d'Allah Azza wa Jal, défendre la voie sur laquelle était Muhammad alayhi salam et ses nobles compagnons, et défendre les croyances et rejeter tout ce qu'il faut de cette religion et lui faire face. Et ceci, c'est la voie et c'est le chemin et c'est la fonction des gens du hadith jusqu'à la fin des temps. Comme il est dit dans ce hadith, restera cette fraction en tout lieu et en tout temps. Ils sont toujours là à combattre les innovations, à faire prévaloir la sunna, à orienter les gens vers ce qui va leur prévaloir, l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et nous le voyons à notre époque. Tous ces imams qui sont passés, que ce soit les efforts de revivification de la sunna qu'a fait l'imam Al-Albani rahmatullah alayh, les efforts de la revivification du dogme et de la sunna qu'ont accompli, que ce soit l'imam Al-Albani, l'imam Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Cheikh Muqbil et autres parmi les grands imams de cette communauté, et les défenses de cette aqidah, de cette voie authentique par les imams qui sont encore vivants maintenant de nos jours, et à leur tête celui qui porte l'étendard de la réfutation et de l'éloge, Cheikh Rabi' Hafidhahullah, et Cheikh Ubayd, Cheikh Mohammed Ibn Hadi, et leurs similaires qui sont sur la même voie qu'eux, qui, comme Cheikh Abdullah al-Bukhari et d'autres, dans cette communauté sont nombreux ceux qui portent l'étendard de la sunna, tels que l'imam al-Fawzan, l'imam al-Luhaydan et d'autres que je n'ai pas cités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre, nous fasse profiter de la science de ces grands imams, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux qui entendent la bonne parole et qui la suivent, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la déviance et de l'innovation, et que Allah subhanahu wa ta'ala récompense comme il se doit, hein, nos frères qui sont les responsables et qui veillent, hein, à la bonne marche de cette radio, et que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, allonge la vie de nos imams, hein, dans son obéissance et dans la défense de sa religion, et que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la santé. Oui. Un dua particulier à Cheikh Obeid Hafidhallah, puisqu'il l'a demandé, nous allons lui faire dua, que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, que Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse, que Allah subhanahu wa ta'ala allonge sa vie dans son obéissance. Fa sallallahu al-azim, rabbil arsh al-azim, bi asma'i al-husna, wa sifati al-ula, an yushafi shaykhana wa walidana Cheikh Obeid Hafidhallah, wa an yumatti'ahu bis-sihhati wal-afiyah, wa an yutil umrahu fi ta'atihi 'azza wa jalla, وأن ينفعنا بعلمه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إي آ ديمونش إن شاء الله à la même heure. بارك الله فيكم avec le même recueil. جزاكم الله خيرا.